Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. You know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working, my fingers to the bone. But now listen, you got to let me go when my work is done. I wanna be free. I got to be free. So now take away these chains that are binding me, because I wanna be. Ah, free. Now every month I get bills. And I got to keep on working to have a decent house. Yeah, you know I got to keep bread in my children's mouth, but I got to be free. I wanna be free. So now I'll take away these chains that abide in me, because I wanna be. A pat on my back, but I wanna be free. I just got to be free. So let's take away these chains that abide in me, because I wanna be, yeah, free. You know I got to be free, boy. And take these chains off of me. C'était Joe Tex, I Wanna Be Free, en 1963. C'est donc le Blues Covers de cette semaine. Vous entendrez Mike Harrison, Blues Conspiracy, Little Bob and the VIPs. Joe Tex, c'est un chanteur-compositeur américain. De son vrai nom, Joseph Harrington Jr., il est né en 1933 et décédé en 1982. On l'avait surnommé The Preacher et il était surtout interprète de soul music, rhythm and blues. Et apparemment, il n'avait pas eu un grand succès avec ce titre, Wanna Be Free. C'est donc le groupe anglais The VIPs au milieu des années 60 qui l'a remis au goût du jour. Et le chanteur des VIPs n'était autre que Mike Harrison. Il a été aussi le chanteur de Spooky Tooth, un autre groupe pop anglais assez connu, fin des années 60, début des années 70. Mais là, il fait une carrière solo et c'est un album qui s'appelle Smokestack Lightning, un morceau d'Howling Wolf, on en reparlera certainement dans un autre Blues Covers. Sur cet album, il y a donc I Wanna Be Free, petit clin d'œil à sa version avec les VIPs. Mike Harrison en 1972. Don't mind working. I Wanna be free. C'était Mike Harrison en 1972. Nous passons au 21e siècle. En 2004, Blues Conspiracy, mené par Litfoot Rivet, au chant donc Alain Rivet, mais aussi Neil Black et Nico Wayne Toussaint. Et puis, dans le groupe, c'est formidable. Il y a Larry Crockett, Pat Boudolamo, Stan Nubar Pacha, et j'en oublie. L'album s'appelle Let's Have a Blues Party. En 2004, Blues Conspiracy. You know, I don't mind working and standing on my feet, 'cause you know I got 9 children and they all got to eat. And I don't mind working my fingers to the bone, but you gotta let me go when my work is done. I wanna be free. I wanna be free. Take away keep this old house of mine. And I gotta keep bread in my children's mouth. I wanna be free. I wanna be free. Oh, slow down, take away these chains that are binding me. Oh, I wanna be free. C'était Blues Conspiracy. Et on reste en France avec Little Bob, ou plus exactement, Little Bob Blues Bastards. Et oui, en 2012, il sort un album assez blues, dans la veine British Blues, bien sûr, car Roberto Piazza, alias Little Bob, est un grand fan du blues anglais. La formation à l'époque de ce CD, c'était... à l'harmonica Mickey Blow, à la batterie Jérémy Piazza, à la guitare électrique Gilles Mallet, et à la basse, contrebasse Bertrand Couloum, et bien sûr au chant Little Bob. Extrait de l'album Break Down the Walls en 2012, Little Bob Blues Bastards, I Wanna Be Free. Done my work, yeah. Stand up on my feet, 'cause I got this children. They all gotta hear. I've done my work, yeah. I bring it to the court. Oh yeah, you gotta let me go where my work is done. I wanna be free. So now take away these chains that I bound me. I wanna be free. You know every month I get bigger. sure my wife has made you wanna be free. Someone better tell you, little boy, wanna be free. You gotta be big, wanna be free. Oh, I've done my working, wanna be free. To keep all these accounts, wanna, oh yeah, you know I gotta keep bread in my children's mouth. I wanna be free. I gotta be free. So now take away this chip that I found in me. Work. Wanna be free. No one cares where my money goes. Wanna be free. Something that I want to tell you, boy. Wanna be free. I gotta take you down to school. Wanna be free. Make no difference how hard I work here. Wanna be free. I'm so that I may have. Ooh, yeah. You know, all I got is a pen in my back. I wanna be free. I gotta be. So now take away these chains that abandon me. C'était Little Bob Blues Bastards en 2012. Et il est temps de se quitter avec la version des VIPs, celle que tout amateur de British Blues connaît. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas la version de Joe Tex avant de faire quelques recherches l'année dernière. Et si vous avez été attentif à cette émission, ce que j'espère, eh bien, vous aurez sans doute remarqué que la version de Joe Tex n'a pas vraiment inspiré, surtout du côté rythmique, les covers que je vous ai proposés. En effet, c'est plutôt la version des VIPs qui est restée dans les mémoires. Alors, ce groupe VIPs était composé de quelques pointures qui ont fait carrière ensemble et aussi après, bien sûr, puisque Mike Harrison, le chanteur, a aussi joué dans Spooky Tooth. L'organiste Keith Emerson a aussi joué dans Emerson, Lake & Palmer, dans The Nice, etc. Et puis, il y a eu aussi ensuite le Sir Grosvenor à la guitare, etc. Voici donc The VIPs en 1966, un fabuleux 45 tours, I Wanna Be Free. Bye bye et à la prochaine. You know, I don't mind working and standing on my feet. 'Cause I've got 9 children and they all gotta eat. Let me go where my work is done. I wanna be free. I gotta be free. So now take away these chains that are binding me. Because I wanna be here. Yeah, free. So wanna be free. Wanna be free. Said I gotta be free. So now take these chains that are binding me. Cause I wanna be. I wanna be free. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.